concentre-toi sur ce que tu veux. L'univers de Milbo, rapidement en fait, c'est un autre monde dans le futur. Il est tombé en ruine, quoi, complètement. La civilisation s'est pété la gueule, les infrastructures sont en grande partie recouvertes par une forêt en fait, voilà, qui a tout envahi, qui a pris toute la place. Une forêt aux allures de forêt primale, avec des sculptures sorties. Hein. Les humains survivent là-dedans, ils sont beaucoup moins qu'avant, quoi. Et ils doivent faire face à quatre menaces. La première, c'est l'oubli, en fait. C'est une sorte de maladie qui nous ronge tous, en fait, qui bouffe notre mémoire. Et donc chacun est touché de façon plus ou moins importante, violente, chronique ou épisodique. Et puis donc l'autre menace, c'est l'emprise. En fait, l'emprise, c'est une force mutagène en quelque sorte qui va transformer les êtres et les choses. Ce qui fait que l'humain peut devenir animal, l'animal peut devenir minéral, le végétal peut devenir humain. Enfin, ouais, il y a une sorte d'affolement biologique, quoi, en quelque sorte. Quoi, ouais. C'est à la fois une force de vie et une force de mort. Et on va essayer de s'éloigner de la route. On va faire un peu du jeu dur. Et donc il y a l'égrégore. En fait, l'égrégore, c'est une sorte de trame psychique qui se fabrique en fait à partir des émotions, des peurs et des croyances des gens. En fait. Et donc ça va créer des événements surnaturels. Et donc par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est que il y a plein de gens qui pensent qu'un ogre habite dans cette forêt. Et ben cet ogre va finir par exister bel et bien, quoi. Peut-être que c'est par exemple un des habitants de la forêt qui va devenir un ogre. Ça t'entend pas très bien. Ok, donc du fait de l'égrégore, donc, eh bien, les peurs, les croyances, les émotions des gens prennent corps, quoi. Et donc, si tout le monde pense qu'il y a un ogre qui habite dans cette forêt, eh bien, effectivement, il y a un ogre finir par apparaître. C'est un des habitants de la forêt qui va devenir un monstre, par exemple. Et donc, pour finir, on a les Orla, en fait, qui sont des créatures qui ont été créées par l'emprise et l'égrégore, quoi. Mais on n'en a pas de catalogue précis, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est les fruits de nos superstitions, et ça peut prendre n'importe quel aspect. Ça peut être des symbiotes minuscules, comme des monstres préhistoriques, ou des spectres. Enfin voilà, ça peut prendre toute forme, quoi. Et donc, c'est ce qui va nous servir de cadre pour les 2 ou 3 GN qu'on va faire, quoi. Donc là, du coup, je vous propose qu'on marche, qu'on se laisse un peu divaguer. Et dès que quelqu'un trouve que le site est sympa, on s'arrête et on fait le premier atelier. Okay. Ça vous va? Oui. Est-ce que j'ai été clair sur l'univers? Enfin, il y en a une partie qui connaissent déjà bien, mais... Je vous ai amené dans un endroit bien plus loin. À droite, il y a de l'eau encore là. Par là, ça a l'air un peu dégagé. Il y a l'eau qui coule en fait. La flotte quand même. Et à mon avis, c'est l'eau qui dégage. Ici, il y a un passage d'eau. Et là, par où je suis passé, ça va à peu près en termes c'est joli. De. J'ai pas pris mon portable. C'est quoi, quel endroit vous avez pointé? Bon, c'est là où il y a les gros bouts de bois, s'il y a moyen de se poser là, tu vois. Bon, là. Mais là aussi c'est pas mal avec le bois mort. Ouais, sans doute plus protégé, ouais. Cette espèce de petite cabane là. Ouais.

Du coup, deuxième cycle, si vous êtes d'accord. Un petit peu de souffle et puis après on fait le jam final tous ensemble n'importe quoi. Il y avait des bruits super crédibles.